Chapitre 27e. L'envol du pigeon. Au matin, Karim trouve sur son portable la réponse de Zara. Elle lui donne un rendez-vous. Ils se rencontrent à midi sur le front de mer. À ce moment, peu de personnes fréquentent ce lieu de promenade. Karim voit Zara s'approcher rapidement. Pour la première fois, elle ne porte pas son ordinaire voile noir, empêchant de la reconnaître. Elle est vêtue d'un blue jean et d'une belle chemise blanche. Seuls les cheveux sont couverts, mais avec un beau foulard vert semé de fleurs jaunes. « Elle est encore plus belle », constate Karim, sans la camisole qui emprisonnait son corps. « Ah, effectivement, les pervers frustrés ne peuvent pas voir un tel corps sans ressentir les pires tourments de la libido. » Quand Zara est toute proche de Karim, il remarque son visage extrêmement tiré, ses paupières gonflées, ses yeux un peu rouges. « Qu'as-tu ? Que s'est-il passé ?»« Mon frère, » répond-elle d'une voix brisée, « il est parti. » L'information est un marteau violemment abattu sur la tête de Karim. Il met quelques secondes avant de demander. Il a laissé un message, une lettre, rien. Connais-tu une des personnes qu'il fréquentait? Non, jamais il n'en parlait. Et si on le lui demandait, il se mettait en colère en se limitant à déclarer « cela ne vous regarde pas ». Debout, les corps rigides, Zara et Karim demeurent silencieux. « Asseyons-nous », propose finalement ce dernier. Ils rejoignent une banquette toute proche. Ils s'y affalent, le regard vers la mer. Sa vue enchante les uns, attriste les autres. Les premiers admirent la magnifique mer, s'étendant à l'horizon jusqu'à se mêler au ciel. Les seconds souffrent de l'impossibilité de traverser cette étendue liquide pour aller de l'autre côté où tout laisse espérer une vie meilleure. Karim est cruellement désolé. Plus d'une fois, il avait remarqué le frère de Zara, Abdelkader, réduit à jouer au hit-it dans la rue, quelle que soit l'heure, de jour comme de nuit. Chaque fois, Karim notait l'expression du visage de ce jeune désœuvré, désespéré mais révolté. Un mélange de dépression bouleversante et de colère effarante. Quant aux yeux d'Abdelkader, il valait mieux éviter de les rencontrer. Ils semblaient ceux d'un fauve affamé attendant la proie à dévorer. Jamais Karim n'a osé adresser la parole à cette sorte de bombe à retardement, par crainte de provoquer une réaction violente. Désormais, chacun se méfie de chacun. Chacun croit qu'un autre vise uniquement à faire du mal, à humilier d'une manière ou d'une autre. En se réveillant le matin, la première pensée de la majorité des personnes est « Qui sera le premier salopard qui tentera de me tromper ? Et qui sera le premier imbécile que j'essaierai de tromper ?» Néanmoins, Karim se sent coupable de n'avoir pas su aider le frère de Zara, pour au moins lui expliquer qui sont ses véritables ennemis et comment les combattre. Assis à côté de Zara sur la banquette, Karim est envahi par un sentiment d'impuissance. Il baisse la tête. Alors il remarque la main de Zara, posée sur son genou et douloureusement crispée. Karim veut prendre cette main et la serrer fortement pour au moins manifester sa solidarité avec la souffrance de cette sœur qui a perdu son frère. Karim se retient. Des yeux, il contrôle les alentours. Personne n'est proche de lui et de son ami. Alors, lentement, il approche sa main de celle de Zara, puis avec une infinie délicatesse, il pose la paume de sa main sur celle de sa compagne. Cette dernière frissonne, se tourne vivement et regarde Karim. C'est la première fois que les deux soupirants se touchent physiquement. C'est le résultat bénéfique de l'envol du pigeon, le frère de Zara, qui est allé se faire pigeonner ailleurs.